La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Après des siècles à être classés au rayon des objets, les animaux sont enfin reconnus comme des êtres sensibles et doués d'intelligence. Tout, dans les observations comme dans les études, montre que les espèces animales sont capables de comportements dignes d'entrer dans le champ de l'intelligence. À partir de demain, jusqu'au 21 mars, l'Université de Lyon organise un atelier qui a pour ambition de croiser les sciences pour penser les animaux. C'est un rendez-vous organisé par le professeur d'histoire contemporaine Éric Baratek, qui est spécialiste de l'histoire des animaux. Et il est mon invité dans un instant pour nous raconter comment ont évolué justement les représentations autour des animaux dans un contexte où l'on peut parler aujourd'hui donc de culture et d'intelligence animale. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant avec vos messages et toutes vos questions sur le site de l'émission franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Le soleil et ses caprices, aujourd'hui à la une de la science. Oui, notre soleil peut-il engendrer de gigantesques éruptions capables d'éteindre une bonne partie de nos technologies? Une étude internationale relance le débat et on en discute dans un instant. Et c'est Fanny Bouillon qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Éric Baratet. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur d'histoire contemporaine donc à l'université Jean Moulin Lyon 3 et spécialiste de l'histoire des animaux. Et vous êtes à l'origine donc de cet atelier qui va se dérouler à l'Institut universitaire de France à l'université Lyon 3 pendant 3 jours, donc à partir de demain, pour croiser les sciences afin de lire les animaux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce titre exactement? Eh bien l'idée c'est qu'on ne peut pas se satisfaire des approches actuelles qui sont surtout des approches uniquement de caractère biologisante, hein, qui sont très bien, qu'il faut évidemment avoir en tête. Hein. Mmh. Un chien est un chien, ça n'est pas un homme n'est pas un cheval. Mais la découverte de capacités de plus en plus importantes fait qu'on peut se demander si on ne peut pas aussi utiliser d'autres sciences pour étudier ces animaux, et par exemple la psychologie, l'ethnologie, la sociologie, ouais. en sortant ces sciences-là de leur contexte humain dans lequel on les a créées, pour les appliquer aux animaux. Alors ça veut dire évidemment revoir les concepts, leur donner une généralité plus grande, c'est ce qu'on a fait pour l'intelligence, par exemple. Hein. On a abandonné maintenant... lorsqu'on définit l'intelligence animale, il n'est plus question de plaquer l'intelligence humaine. Les éthologues sont arrivés à une notion beaucoup plus large. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à son environnement. Ouais, donc on a décentré les choses, hein, évidemment, par rapport à l'humain, et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait, hein. Voilà. C'est ça la démarche, on a décentré les choses. Mmh. On est sorti, ou on est en train de sortir... d'une vision pyramidale du monde que l'on traîne depuis l'Antiquité grecque. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est que même les spécialistes des animaux eux-mêmes ont eu du mal à en sortir, hein, de cette vision pyramidale. Hein. Ils ont beaucoup de mal, mais elle nous est tellement naturelle, elle est tellement enquistée, si on peut dire, dans nos pensées, que nous avons beaucoup de mal à en sortir. Moi, je suis toujours frappé, par exemple, en lisant les travaux de Frans de Waal, qui est quelqu'un de remarquable, comment il a mis du temps. Maintenant, ça y est, c'est fait, mais il a mis beaucoup de temps à s'apercevoir que ce schéma ne tenait pas, qu'il fallait pousser les cloisons. Et il écrit d'ailleurs, lui, aujourd'hui, qu'il faut observer les animaux à hauteur d'animal, hein, tout justement. À fait. Hein. Sinon, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas les comprendre. Et il faut sortir, il faut, je dirais, désanthropiser l'observation, sortir de l'idée que tout est en référence par rapport à l'homme. C'est intéressant de croiser les disciplines scientifiques. Hein. C'est toujours hyper fructueux, au fond. Hein. C'est très fructueux. C'est difficile parce que les spécialistes ne sont pas habitués. Oui. Demain, par exemple, on va avoir un croisement entre histoire de l'art et génétique et morphométrie géométrique. Alors ça, évidemment, beaucoup de gens se demandent bien ce que ça veut dire, mais c'est ça le passionnant de l'affaire. Et vous allez nous le dire dans un instant. Hein. On va regarder ce programme en détail et puis on va donner énormément d'exemples qui sont vraiment passionnants pour regarder d'un autre œil vraiment les espèces animales aujourd'hui. Éric Baratet, vous êtes notre invité et puis bien sûr vous répondrez à toutes les questions qui nous parviennent de nos auditeurs sur franceinter.fr. À tout de suite. message vient juste d'arriver du Japon. Sur ce cliché, vous pouvez voir la CME qui aurait détruit notre sonde solaire. Les autres relevés montrent que le Soleil a émis de multiples CME à de brefs intervalles. Ça n'était encore jamais arrivé auparavant. En tout cas, pas dans l'histoire récente. Donc elles vont frapper la Terre de plein fouet. Alors toute l'humanité... court à la catastrophe, oui. On ne court pas à la catastrophe cette fois. On court carrément à l'extinction. Voilà, extrait du film Alerte solaire, publié sorti en 2005. Et faut-il vraiment avoir peur des super éruptions solaires? C'est la question posée à la une de la science aujourd'hui à notre invité Axel. Oui, Mathieu, c'est une question qui fait débat, hein, même chez les astronomes, car ces éruptions hypothétiques pourraient provoquer de très gros dégâts. Alors, pour tenter d'y répondre, des chercheurs sont allés au Groenland à la recherche de traces d'éruptions passées enfouies dans les glaces. Leurs résultats sont publiés dans la revue PNAS et suggèrent qu'un événement solaire inhabituel et important a eu lieu en 660 avant Jésus-Christ. Était-ce une super éruption? Pour le savoir, nous sommes au téléphone avec Guillaume Aulagnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Alors ces traces, ces radionucléides que vos collègues ont trouvés dans les glaces du Groenland, est-ce que c'est enfin la preuve que ces super éruptions existent ou ont existé? En deux mots, la réponse sera peut-être. Merci d'être venu. Merci. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, malheureusement, les mesures sont excellentes. Hein. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, c'est l'état de l'art. Mais leur interprétation est vraiment tout sauf directe. Alors oui, mais expliquez-nous d'abord assez rapidement ce qui se passe dans ce genre d'événement, d'éruption, pour qu'on retrouve ces souvenirs dans les glaces. Alors l'idée du processus, c'est que lorsque des rayons cosmiques viennent frapper l'atmosphère de la Terre, qu'il s'agisse de rayons cosmiques produits par des objets astrophysiques lointains ou par des éruptions solaires, eh bien ces protons viennent frapper des atomes dans l'atmosphère, ces atomes changent de nature, ça crée des isotopes, et ces isotopes se retrouvent en suspension dans l'atmosphère pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'ils se répandent sur toute la surface du globe et se déposent en particulier dans les glaces au niveau des pôles, mais pas seulement, un peu partout sur Terre. Et petit à petit, les centenaires passant, les glaces se retrouvent piégées par d'autres glaces. Et lorsqu'on fait des carottes de glace et qu'on extrait ces glaces, eh bien, on peut retrouver ces radionucléides qui ont été produits par les impacts des protons des milliers d'années d'après, ce qui est le cas de l'étude qui nous concerne aujourd'hui. Et là, on trouve assez de radionucléides, comme vous dites, pour imaginer une super éruption. C'est ça qu'il faut entendre? Alors c'est les conclusions des auteurs et c'est une conclusion qui est assez plausible, mais qu'il faut tout de même relativiser par plusieurs problèmes. Le premier, c'est que la façon de remonter des mesures de la proportion de radioisotopes dans les carreaux de glace jusqu'au flux de protons éventuellement solaires qui nous intéresse ici passe par des modèles qui sont en général assez simplifiés et qui ne tiennent pas toujours compte de tout un tas de processus aléatoires difficiles à mesurer aujourd'hui, comme ne serait-ce que le temps qu'il faisait à l'époque, les circulations d'air, les précipitations qui ont pu faire qu'il y ait plus ou moins de radionucléides qui se déposent à un moment donné sur Terre. On ne traite pas non plus, ou de manière très difficile, de la diffusion de ces radionucléides dans les carottes de glace. Donc, je dirais, il faut prendre avec des pincettes les résultats quantitatifs qui sont donnés par cette étude. Mmh. Un autre aspect, c'est que on a des cas d'événements passés du même genre. Il y en a plusieurs, donc ils parlent d'ailleurs dans leur article. Un événement très intense qui aurait eu lieu en 994 après Jésus-Christ. Et il y a des rapports historiques qui montrent que quelques mois avant cet événement, en fait, il y a eu des aurores polaires qui ont été observées un peu partout dans le monde pendant des mois, et ce qui peut laisser supposer que l'événement de 994, qui est très similaire à celui de -660, en fait, aurait été formé non pas par une seule super éruption, mais par plusieurs éruptions intenses au cours de toute une année. Et ça, c'est des choses qu'il est très difficile, a posteriori, 2000 ans après, de quantifier. Donc ce que cette étude nous montre, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose en -660, mais était-ce un seul événement? Mais parce que s'en était plusieurs, on ne peut pas savoir. Alors si on part du principe qu'il y en a eu un, sachant que c'est hypothétique, quelles seraient les conséquences d'un tel événement sur notre monde actuel? Est-ce que c'est aussi catastrophique que les films de science-fiction nous le laissent imaginer? Si maintenant je devais répondre en trois mots, je dirais on ne sait pas. Donc la seule chose qu'on peut estimer aujourd'hui, c'est de façon modèle dépendante bien sûr, oui, c'est que le flux de protons qui viendra de cet événement unique aurait été 100 fois plus fort que l'un des événements à protons les plus intenses qu'on ait jamais observé, qui était en 2005. Donc un flux de protons 100 fois plus intense, ça paraît énorme. On sait que ça causerait des dommages sur les satellites qui nous entourent et qui servent à faire fonctionner nos technologies, mais aujourd'hui on est bien incapable de quantifier précisément ces dommages-là. D'ailleurs, pourquoi c'est dommage éventuel sur les réseaux électriques hein, qui nous concernent nous au sol, aujourd'hui on n'est pas du tout capable de les évaluer non plus. Enfin, on a eu un petit exemple avec le Québec quand même il y a quelques années de ça, qui a été assez impressionnant, hein, Guillaume Ollagnier. Absolument, avec la grande panne électrique. Hein. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc il y a eu une panne de 6 heures hein, d'électricité, en hiver d'ailleurs, c'est problématique. Depuis, les constructeurs ont quand même changé leur façon de faire fonctionner les lignes à haute tension et les transformateurs, notamment en les renvoyant à la terre et en les blindant à plusieurs endroits. Et on a eu d'autres événements, notamment des événements dits de Halloween, qui ont eu lieu fin octobre 2003, qui ont aussi provoqué des pannes de courant, par exemple une heure en Scandinavie. Mais c'était pas 6 heures, c'était plus qu'une heure pour des événements qui étaient à peu près de la même intensité qu'en 1989. Donc on sait un peu se protéger maintenant, mais évidemment pas parfaitement. Est-ce que ce que nous savons aujourd'hui du Soleil nous laisse vraiment imaginer ou soutient cette thèse de la super-éruption ? Ben, ça fait encore partie des sujets de recherche. Il y a plusieurs écoles qui s'affrontent dans les débats scientifiques sur le sujet. Certains pensent que le Soleil n'est pas capable de faire des super-éruptions compte tenu de la taille des taches qu'il est capable de produire depuis plusieurs centaines d'années. D'autres pensent que le Soleil pourrait venir à des situations d'activité extrêmement intense comme on pense peut-être le voir sur des étoiles qu'on imagine être de type solaire. Donc les recherches sont encore très actives dans le domaine, mais elles sont très difficiles parce qu'on est en train d'étudier un objet qu'on n'a jamais observé directement, qui est une super-éruption solaire. Est-ce que ça existe tout court ? C'est pas évident. Alors, une dernière question. À la fin de l'étude, les auteurs sont assez directs. Ils parlent des éruptions et des super-éruptions. Ils disent « Nous avons sous-estimé les risques et nous ne sommes pas assez préparés ». Est-ce que vous partagez ce point de vue, même pour des éruptions, j'ai envie de dire, classiques ? Je pense que même pour les éruptions classiques, les auteurs ont raison de dire qu'on n'est pas assez préparé. La météorologie de l'espace, qui est la version appliquée de la physique solaire, est une discipline encore jeune, qui avance que depuis quelques décennies, et qui repose sur des modèles qui sont encore très incomplets, et sur des mesures qui sont bien plus sporadiques que les mesures de météorologie terrestre. Donc même pour ce qui concerne l'activité solaire d'aujourd'hui, qui, on le sait, provoque des problèmes sur notre technologie. On a encore beaucoup de travail à faire, aussi bien dans la recherche fondamentale en amont que dans le développement d'applications. Et c'est d'ailleurs des programmes qui sont soutenus aujourd'hui, par exemple par l'Agence spatiale européenne, le CNES française et tout un tas d'autres agences qui veulent développer tout ça. Merci Guillaume Ollagnier, en tout cas, pour ces précisions. Et Axel, on se retrouve demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 3 milliards de volts, ça chauffe encore dans le ciel. En Inde, des scientifiques ont documenté la plus grande différence de potentiel jamais rencontrée dans un orage. Cette mesure indirecte a eu lieu en 2014, pendant une très grosse dépression. Elle correspond à la différence de charge électrique entre le haut et le bas du nuage. Cette valeur record de 3 milliards de volts est une surprise pour la communauté scientifique, sachant qu'une décharge de foudre classique est seulement de quelques dizaines de millions de volts. Quand l'anatomie des rats nous renseigne sur d'anciens humains, en Indonésie, sur l'île de Flores, il y a 100 000 ans, vivait un cousin des hommes modernes nommé Homo Florensis. En étudiant les variations de taille de plus de 10 000 rats trouvés dans la grotte de Liang Bua, où vivait le petit homme, des chercheurs ont découvert que l'habitat de l'île avait drastiquement changé il y a environ 60 000 ans, passant de plaines ouvertes et herbeuses à un environnement plus forestier, moins favorable aux rongeurs. Un changement qui n'a pas vraiment profité aux hommes de Flores, qui étaient friands de rats, selon les découvertes archéologiques. Et puis pour terminer, un pigeon qui valait 1 000 Lion Armando. C'est un pigeon voyageur de course, a été vendu ce week-end pour 1,2 million d'euros à un acheteur chinois lors d'une vente aux enchères. Vainqueur de nombreuses courses colombophiles qui consistent à rentrer le plus rapidement possible après avoir été lâché à plusieurs centaines de kilomètres de son pigeonnier, Armando devrait certainement servir pour l'élevage de futurs champions, précise le vendeur. Éric Baratet, un petit mot, parce que les pigeons sont des animaux dont l'intelligence a été exploitée depuis très longtemps. Hein. Oui, on croyait que c'était instinctif, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est pour ça qu'il y a de très fortes différences d'un pigeon à l'autre. Mmh. Parce que ces pigeons doivent apprendre à mobiliser leur compas solaire, leur compas magnétique, ils doivent apprendre à cartographier les endroits où ils sont, etc. Et donc ça ne se fait pas, ça leur tombe pas sur la tête, c'est le cas de le dire. Donc on leur l'apprend petit à petit, et cet apprentissage fait qu'il y en a qui sont beaucoup plus doués que d'autres. 1,2 million donc de dollars pour ce pigeon vendu ce week-end. Allez, dans un instant, justement, l'intelligence animale, dossier de la tête au carré. James Blake et Rosalia, c'était Barefoot in the Park. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, passer et penser du côté des animaux. C'est donc le thème d'un atelier qui commence demain, qui va durer 3 jours à l'Institut universitaire de France de l'Université Lyon 3. Éric Baratet, vous en êtes à l'origine. Le public est le bienvenu? Alors, il y a peu de place et un public de chercheurs. Parce que l'atelier donne la priorité aux discussions. Ouais. Hein, ce n'est pas un colloque où chacun écoute modérément l'autre, mais c'est vraiment un débat pour essayer de voir comment on peut justement croiser ces sciences, parce que c'est vraiment un début et que chacun est un peu dans ses petits souliers et ne sait pas trop comment faire. Ouais. Mais c'est ce qui est passionnant. Justement. Alors, vous êtes vous-même professeur d'histoire contemporaine à Jean Moulin III, spécialiste donc de l'histoire des animaux. Votre dernier ouvrage, Biographie animale, est sorti au Seuil en 2017. On en avait parlé dans l'émission. Et là, cet atelier, donc, c'est le deuxième volet de ces rencontres et de ces échanges entre chercheurs. Et ça s'appelle Croiser les sciences, hein, pour lire les animaux. Alors, est-ce que justement beaucoup de disciplines scientifiques s'intéressent à la question animale? Ah oui, énormément. Alors, il y a eu longtemps, évidemment, les sciences de la nature, hein, vétérinaire, oui. Zoologie, éthologie. Maintenant, les sciences humaines viennent évidemment à ce sujet. Alors, depuis une trentaine d'années, elles ont beaucoup travaillé sur ce que j'appelle l'approche humaine, c'est-à-dire comment les hommes voient et se représentent et agissent envers les animaux. Et puis maintenant, on sent bien la nécessité de passer du côté des animaux aussi. Parce qu'on ne comprend pas bien la relation entre les hommes et les animaux si on ne tient pas bien les deux côtés, ouais. Et l'homme et l'animal. Ça n'est pas suffisant d'être simplement du côté humain ou d'être simplement du côté animal. Et donc, l'idée de s'intéresser du côté des historiens, des ethnologues, des anthropologues, des sociologues, aux animaux humains eux-mêmes, c'est une idée qui se développe de plus en plus. Ouais, donc là, thématiques, hein, histoire de l'art, écologie, éthologie, biologie, littérature, primatologie évidemment, sociologie, psychologie. Tout ce petit monde va donc se réunir, hein, pour essayer de croiser les différentes disciplines et faire émerger des idées qui feront peut-être avancer la connaissance. Hein. Oui, il y a plein d'idées en la matière. Hein. Par exemple, le croisement entre éthologie et histoire, il permet à la fois de mieux comprendre la situation d'animaux à telle ou telle époque, hein, 17e, 18e, mais en échange, il peut aussi faire comprendre des situations actuelles. Hein. Je pense à un collègue spécialiste de l'éthologie des oiseaux qui s'est beaucoup passionné pour les traités d'éducation des oiseaux du XVIIe siècle. Mmh. Eh bien, ces traités d'éducation où l'on montre comment, à l'époque, concrètement faire chanter des oiseaux, ces traités apportent beaucoup d'informations, y compris pour comprendre les oiseaux actuels. Ouais. Et pourquoi on faisait chanter les oiseaux alors au XVIIe siècle ? Ah ben, c'était pour la qualité. Juste pour le plaisir de les entendre. Il y a énormément d'oiseaux entre 16e et 19e, 20e, dans tous les milieux. C'est très frappant de voir comment au 19e siècle, les témoignages montrent à quel point il y a des cages et des oiseaux jusque dans les milieux ouvriers, jusque dans les milieux les plus pauvres. Bien sûr. Donc c'est l'animal de compagnie. C'est l'animal le plus répandu. Jean Giono, par exemple, dans Jean le Bleu, raconte, c'est un peu son histoire, raconte chez son père, il y avait des cages d'oiseaux et on les faisait chanter. Ouais. Hein, c'était une véritable passion, ça a duré très longtemps. Mais les chants d'oiseaux, c'est quelque chose de très complexe, hein, et on sait à quel point chaque espèce d'ailleurs possède une large gamme aussi de chants. Quand on apprend à faire chanter un oiseau, c'est qu'on apprend à lui faire répéter ce qu'il connaît déjà, ou on peut lui apprendre de nouveaux chants? Non, on peut lui apprendre de nouveaux chants, des chants humains notamment. Donc il y a toute une manière d'opération qui est décrite dans ces traités. Ça veut dire quand même que ces gens-là, pour arriver à faire chanter un oiseau, il faut des connaissances. Il faut des connaissances, il faut passer du côté de l'animal. Ouais. Et ça, c'est tout à fait ce qu'on voit en matière historique, mais même actuellement, c'est que dans les relations entre les hommes et les animaux, pour que les relations marchent bien, il faut que chacun comprenne l'autre. Et donc, les mineurs dans les mines qui utilisaient leurs chevaux, s'ils voulaient que ça se passe bien, il fallait essayer de comprendre le cheval. Ouais. Si vous vouliez faire chanter votre oiseau, il fallait essayer de le comprendre, de prendre un petit peu son point de vue à sa modeste mesure, évidemment. Nous ne sommes que des hommes, et ils ne sont que des oiseaux, et il faut essayer de se comprendre. Alors justement, Éric Barrettet, on va entendre l'extrait d'un reportage tourné en 1983 sur Radio Bretagne Ouest à l'époque, à l'occasion justement de concours de chants d'oiseaux pour des oiseaux précisément destinés à la mine. Pas de lumière, pas de chant. Du chant, lorsqu'il y a la lumière justement, vous voyez, oui. Nous les mettons dans l'obscurité pour les préparer, pour donner leur chant au maximum. C'est comme la nuit passe, le matin vient, l'oiseau chante. Bah ici, c'est le cas. Hein. Alors comment s'appellent ces oiseaux? Ce sont les canaries du Harz. Alors les canaries du Harz, sont... la province du Harz en Allemagne. Alors on va écouter. Alors, ils s'appellent entre eux ou quoi? Oui, ce sont des cris d'appel, là, simplement là. Alors le rrr, c'est quoi? Vous avez la grognée profonde. Oui. Après vous avez la roulée profonde. Oui. Après vous avez la teintée profonde. Voilà de la flûte, maintenant. Celle-là. Oui. Maintenant, vous êtes sur la roulée. Voilà la teintée profonde. Une très belle teintée profonde. Alors, à quoi servaient ces animaux, en fin de compte? Ces oiseaux descendaient dans les mines. Et les oiseaux ont appris à chanter dans l'obscurité. Et quand les oiseaux ne chantaient pas, quand ils s'appelaient, comme tout à l'heure, vous avez entendu uniquement des appels, ils prévenaient donc les mineurs de la présence de grisou. Alors les mineurs remontaient immédiatement avec leurs oiseaux. Étonnant, Éric Barrettet. Hein. Donc ça, c'est le compagnon du mineur. Oui, c'était très répandu. Hein. Ouais. C'était un véritable filet de sécurité. Et ce que dit la personne est très intéressant. On voit bien à quel point elle a l'oreille. Hein. Et là aussi, elle essaye de passer du côté de l'animal. Et ce qu'on voit bien, à un moment, elle dit l'oiseau a appris à chanter dans l'obscurité, mais on lui a aussi appris. C'est une bien collaboration des deux côtés. Ça peut pas être l'homme qui impose uniquement. Il faut vraiment une collaboration. Et cette collaboration, finalement, on s'aperçoit qu'elle est toujours là. Hein. Un homme et son chien, il y a cette collaboration. Donc ce sont nos deux cerveaux hein, qui cohabitent finalement et qui sont fructueux hein, entre l'homme et l'animal. Les éthologues hongrois qui spécialiste des chiens, c'est une très, très remarquable école hongroise d'éthologie canine, parle de coévolution. C'est-à-dire depuis 40 000 ans, ces deux espèces se sont rapprochées et maintenant, coévoluent ensemble. Ouais. Et c'est tout à fait passionnant. Alors, le premier rendez-vous demain, donc, à l'Université de Lyon, ce sera autour du cheval, hein, c'est ça? Le cheval en Iran, pourquoi vous avez choisi ce thème exactement? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont les intervenants, parce que Ludovic Orlando, qui est l'un des intervenants, et qui est généticien, a lancé et dirige un grand programme sur l'histoire du cheval en travaillant sur le matériel osseux et en faisant des analyses génétiques. Ouais. Et ce programme est en cours, il est lancé, c'est encore neuf. Mais l'idée, c'est de, comme ça, récolter plein d'informations sur l'histoire du cheval, l'histoire des chevaux, même, faudrait-il dire. Mais ça va loin, parce qu'il va faire des travaux sur leur comportement, leur caractère aussi. Oui, parce que la génétique est en train de s'ouvrir et comme un véritable livre nouveau. Ça va être l'archive du 21e siècle et on peut découvrir plein de choses par ces analyses-là. C'est passionnant pour les historiens. Ça peut aller de la taille, de la couleur de la robe, des maladies, des modes alimentaires, des comportements, etc. Et donc tout ça, ça peut se croiser avec ce que les historiens trouve dans les documents, ou les historiens de l'art sur les fresques, les représentations, etc. Ouais, ou les grands dessinateurs comme Léonard de Vinci, par exemple, aussi, sur sa représentation des chevaux. Et pour voir s'il y a différentes époques, on retrouve les mêmes similitudes du point de vue du caractère, oui, par exemple. Oui, l'idée, c'est d'étudier certains des dessins de chevaux de Léonard. Alors, il faut des dessins où les chevaux sont immobiles, pour qu'on puisse bien, parce que l'idée, c'est de travailler sur la morphologie de l'animal, de prendre des points repères et de comparer ça avec des chevaux réels. Et l'idée, c'est de voir déjà si Léonard a dessiné, on pourrait dire, un cheval idéal, ou s'il a vraiment dessiné un cheval réel. Et si c'est un cheval réel, de pouvoir aller voir dans les archives quel type de cheval, d'aller voir par exemple dans les écuries aristocratiques où il a beaucoup travaillé, dessiné, quel pouvait être ce type de cheval. Et puis si ce type de cheval de Léonard, il est relativement commun au XVIe siècle. Alors ça, c'est le genre de réponse qu'il va falloir beaucoup travailler. Hein, mais ça s'avère très fructueux. Éric Barrette est notre invité cet après-midi pour cette discussion passionnante autour des animaux. Et bien sûr, toutes vos questions sur franceinter.fr. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête, sur un coup de tête. Elle fait les 100 pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. La vérité nue, la vie crue, les nuits bleues, le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh, shuka. parcs. Nuit bleue, c'était la voix de Bertrand Belin. La tête au carré. Sur France Inter. Ce que les gens oublient, bien, ils se disent, ces animaux, on les élève pour les manger. Mais chaque vache a une personnalité. Moi, j'ai passé du temps avec les vaches. Elles ressentent la douleur, elles ont des émotions. Elles peuvent être tristes, heureuse, déprimée. Et si on arrête de les manger, quand on arrête de manger de la viande, eh bien on se sent plus léger. Je pense que tous les végétariens vous le diront. Parce que le corps ne gaspille plus autant d'énergie pour digérer tous ces éléments, toutes ces toxines que l'on ingère. Donc c'est bon pour les animaux, c'est bon pour la planète, et c'est bon pour nous-mêmes, pour notre santé. Voilà, c'était la voix de la primatologue Jane Goodall à l'instant pour parler justement de la question animale à l'occasion de ces ateliers organisés à partir de demain à l'université Jean Moulin Lyon 3 et Éric Baratet, donc notre invité. Jane Goodall, ce qu'elle vient de nous dire sur les émotions ressenties par les animaux, la question de la souffrance aussi, de la douleur. Alors justement, le jeudi, il y aura une intervention d'un anthropologue, Florent Collère, qui a travaillé sur les bovins, sur les vaches, ouais, et qui va nous montrer que l'on peut croiser sociologie et zoologie, et notamment à propos des émotions, pour montrer que les émotions font corps, qu'on les exprime par les corps, et que ces émotions peuvent être un langage social, c'est-à-dire qu'on fait passer des messages par les émotions. Vous pensez à des exemples précis, Éric Baratet, justement, sur la façon dont les corps animaux peuvent s'exprimer? Eh bien, au niveau de la joie, au niveau de la peine, etc., au niveau de la préférence entre des partenaires, donc là, Florent Collère étudie beaucoup, il travaille beaucoup sur la photographie, et il étudie beaucoup les poses qu'ont les animaux les uns par rapport aux autres, et il y a un véritable langage. Mais il y a déjà pour les hommes, hein, si l'on pense au cinéma muet, on voit bien à quel point le cinéma muet arrive à faire passer des expressions, des émotions, parce que c'est par le langage corporel. Et c'est aussi là, notamment chez les mammifères, et nous-mêmes nous arrivons à le lire. Les paysans du XVIIe, XVIIIe siècle le voyaient très bien. Ouais. Hein, c'est le monde intellectuel qui le refusait, ce genre de choses. Mais là aussi, concrètement, si vous voulez bien avoir un bon élevage de vos animaux, à moins d'être dans une approche totalement industrialisée, mais vous êtes bien obligé de faire attention à vos animaux, ouais, et donc à voir leurs émotions. Alors Noël demande si le professeur Baratet est végétarien, voire végétalien, voire vegan. Cela semblerait logique, nous dit-elle. Alors, petite minute d'intimité, Éric Baratet, confiez-vous au micro de la tête au carré. Moi, je suis végétarien depuis très longtemps. Moi, je ne fais pas de différence végétarien, vegan, etc. Ouais. Depuis 1977, vous voyez, ça remonte à loin. Mais bon, je ne l'ai jamais mis en avant. C'est ma position personnelle qui, à mon avis, ne doit pas inférer dans le travail scientifique. Ouais. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'il y a un mouvement de fond, là, aujourd'hui, autour de ces questions de la consommation de la chair animale? Ah oui, ce qui est très intéressant. Moi, j'ai senti le tournant social depuis, je dirais, 2007, à peu Qu'est-ce près. Qui s'est passé? Ah ben, je ne sais pas. Je peux pas vous dire pourquoi 2007, mais je l'ai senti, 2007. Ouais. Eh bien, ça y est, le sujet intéresse les gens. Il y a une conscience. Je l'ai vu à la fois dans le monde des chercheurs, des mondes universitaires, ah bon, mais aussi dans le monde le public. Lorsqu'il y a des conférences, il y a du monde maintenant. Mmh. Alors pendant des années, j'ai fait des conférences devant deux personnes. Et donc on sent bien les choses. Et à propos de la viande, etc., je crois qu'on en est là à la troisième phase d'une prise d'intérêt vis-à-vis des animaux. On a commencé par les animaux les domestiques les plus proches au 19e siècle, les chiens, les chevaux. À partir des années 50, on s'est mis à s'intéresser aux animaux sauvages. Et un roman comme Les Racines du Ciel de Romain Gary en est tout à fait l'expression de cette émergence. Et depuis 10-15 ans, eh bien, c'est l'intérêt pour les animaux d'élevage. qu'on avait totalement mis de côté, complètement oublié, et d'où les problèmes maintenant, les scandales sur sur l'élevage, sur l'abattage, qui n'auraient pas fait scandale il y a 40 ans. Ouais. Tiens, on va écouter Maurice Merleau-Ponty, justement, le philosophe des sciences, parler lui aussi de la relation aux animaux. Il est bien connu que la pensée classique ne fait pas grand cas de l'animal, de l'enfant, du primitif, ni du fou. On se rappelle que Descartes ne voyait rien de plus dans un animal qu'une somme de roues, de leviers, de ressorts, qu'une machine enfin. Quand l'animal n'était pas une machine, il était, dans la pensée classique, une ébauche d'homme. Tout se passe en somme comme si la pensée classique s'était tenue dans un dilemme. Ou bien l'être auquel nous avons affaire est assimilable à un homme, et il est alors permis de lui attribuer par analogie les caractères généralement reconnus à l'homme adulte et sain. Ou bien il n'est rien qu'une mécanique aveugle ou un chaos vivant, et il n'y a alors aucun moyen de trouver un sens à sa conduite. Voilà, c'était en 1948 sur l'ORTF, dans l'heure de culture française, Merleau-Ponty. Alors, entre justement la mécanique aveugle et la ressemblance avec l'homme, il y a un juste milieu. C'est peut-être là-dedans que nous trouvons aujourd'hui. Hein. Alors, ce qu'il montre, ce qu'il dit bien, c'est à quel point nous avons une vision, ce qu'il appelle la pensée classique. Elle s'est forgée, elle a été théorisée au moment de l'Antiquité grecque, dans les cités grecques antiques. Et dans des sociétés, on en fait maintenant un peu celles qui ont créé la démocratie, mais en réalité, maintenant, les historiens l'insistent plus sur un autre aspect, c'est qu'elles étaient très hiérarchisées, très inégalitaires, très ethnocentriques. Et on a forgé cette différence homme-animal comme on a forgé la différence homme-femme, libre et esclave, grec et barbare. Et cette vision-là, très pyramidale, a été transmise ensuite, a été reprise par une version du christianisme, la version majoritaire, puis l'essentiel de la philosophie occidentale et l'essentiel de la science occidentale. Ouais. Et avec cette idée, finalement, dans cette vision pyramidale, que l'homme détermine tout et la mesure de tout. Donc l'intelligence, c'est sa définition. Mmh. Et évidemment, si on interroge un chien pour savoir s'il a la même intelligence que l'homme, la réponse est non. Ouais. Ça va de soi. Donc ça, on a pu dire pendant des siècles que les animaux n'étaient pas intelligents. Ouais. Paula demande, le procès fait aux animaux au Moyen-Âge, est-ce que ça ne faisait pas de ceci des animaux considérés comme responsables, justement? Des procès de cochons, par exemple, hein? Alors, en partie, il y a des procès où l'animal est jugé responsable, il y a des procès où, on le juge et on le condamne pour l'exemple. Mmh. Hein, pour effacer, notamment, on va par exemple tuer, pour effacer la trace du problème. Mais on a aussi beaucoup de procès pour excommunication à la fin du Moyen-Âge vis-à-vis des insectes qui ravagent les récoltes. Mmh. Et là, on voit bien que cette idée d'excommunication oblige à penser l'idée d'une communauté des créatures. Les animaux et les hommes sont la communauté des créatures, d'une communauté, même on pourrait dire, de l'Église. Mmh. D'où l'idée qu'on puisse excommunier des insectes, parce qu'ils font partie de cette communauté. Alors évidemment, tout ça a été balayé par le rationalisme cartésien au XVIIe siècle, où on a revu... C'est très intéressant de voir, quand on fait l'histoire des mots, comment au XVIIe siècle, on a revu les notions de sujet, de personne, de droit, d'intelligence, etc. Et on a tout replié ça sur le cas humain, hein, en excluant totalement le reste du monde. Mmh. Thierry demande, est-ce que ça n'est pas pour mieux l'exploiter que l'homme étudie l'animal ? Oui et non, parce que bien souvent on s'aperçoit que on préfère au contraire ne pas trop connaître l'animal et pouvoir lui plaquer dessus des réponses toutes prêtes du genre c'est l'instinct, c'est la pulsion biologique, l'animal n'a pas la conscience, il sait mais il ne sait pas qu'il sait, sans jamais fournir évidemment de preuves. Et donc l'homme a eu plutôt intérêt à ravaler le monde animal pour pouvoir justifier d'en faire ce qu'il voulait. Ouais. Éric Baratet, vous êtes notre invité. On écoute ensemble une simple mélodie, celle de Michel Polnareff. Et puis on se retrouve juste après pour parler de la question animale avec d'autres messages pour vous, des auditeurs de La Tête au Carré. Quand j'entends cette chanson, je pense aux jours anciens où nos vies ne faisaient qu'une, nos cœurs ne faisaient qu'un. Toi, tu mettais des mots d'amour sur cet air familier. Et jamais depuis ce temps, je n'ai pu l'oublier. Une France Inter. Ceux qui étudient la psychologie des hommes ne peuvent plus ignorer ces travaux. Les psychiatres, qui s'intéressent par exemple aux problèmes posés par les enfants troublés dans leur esprit parce qu'ils ont été élevés sans l'affection de leurs parents, sont passionnés par les recherches du professeur Lorenz sur de petits oiseaux élevés comme celui-ci dans une chambre sourde, isolés de leurs parents et de leurs congénères. Car on constate à l'Institut de Sévisen que ces oiseaux devenus adultes et placés au milieu des autres ont un comportement totalement troublé. Ils sont parfaitement désadaptés et très vite le troupeau des oies ou des canards met à l'index ces individus asociaux, comme nous dirions, qui ne respectent pas les règles de la société. Je crois que la symbiose entre la psychologie et la sociologie et la psychiatrie et l'éthologie vont devenir de plus en plus intenses. Les psychiatristes peuvent faire usage de nos résultats. L'étude du comportement des instincts sociaux des animaux sont assez importants pour comprendre les phénomènes sociologiques qui menacent l'existence de l'humanité à présent. Voilà la voix de Konrad Lorenz, hein, le grand éthologue Éric Baraté, pour commenter justement cette émission autour de la façon dont on peut penser les animaux aujourd'hui. On peut juste faire une petite parenthèse sur la façon éthiquement très discutable dont les animaux là ont servi, hein, parce que l'isolement de ces oiseaux, c'est absolument terrible, hein, quand même. Hein. Tout à fait, effectivement. Et c'est... Alors Lorenz le dit, hein, c'est les priver évidemment de la partie éducation, de la partie culture. On oui. sait maintenant qu'un animal n'a pas, au moins chez les oiseaux, les mammifères, etc., mais on le découvre de plus en plus un peu de partout, rien n'est instinctif et tout doit être construit. Mmh. Et donc, si on prive, par exemple, là, dès les premiers temps, on fait ouais. des animaux asociaux. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'atelier, il y aura un éthologiste qui s'appelle Alain Boissy, qui va justement alors faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va chercher dans la psychologie humaine des concepts et des méthodes qu'il peut ensuite appliquer là en étudiant des troupeaux de moutons pour voir justement étudier les émotions et notamment les émotions négatives, les problèmes de stress, de mal-être, etc. Alors c'est-à-dire qu'on étudie, on prend l'exemple humain en référence ? Il va chercher les concepts et les méthodes et il les adapte au monde animal et ça permet de voir des choses que les éthologues ne verraient pas autrement. Mmh. Et c'est le but de l'atelier, faire naviguer dans les deux sens, se rendre réciproquement service. Mais ça suppose à chaque fois qu'il faut sortir de l'espèce en question, si c'est l'animal ou l'homme. On prend les outils finalement que l'on a déjà en psychologie par exemple. Exactement. Pour les appliquer aux animaux. Exactement. On prend ces outils et ces méthodes, on les désentropise si on peut dire, on les sort de leur seul cas humain et on essaye de les appliquer à d'autres espèces. Mais évidemment, les appliquer aux moutons par exemple, eh bien ça demande de prendre égard à la situation biologique de ces moutons, donc on ne procédera pas forcément pareil pour des chiens, pour des vaches, etc. Oui. Alors, on voit qu'on peut servir de la psychologie humaine, justement, pour étudier celle des animaux. Et puis, on voit que les animaux imitent très, très bien les humains aussi. On va écouter l'extrait de ce petit sujet et surtout de ce film de Nicolas Philibert sur Nénette, cet orang-outan du Jardin des Plantes. C'était en 2010. Nénette, ce qu'elle fait, c'est qu'elle observe le public. Car vous savez, quand elle était petite, il y a eu des couples d'amoureux qui se mettaient devant et qui s'embrassaient, et après on les voyait, Toto et Nénette, chercher, bon c'est déjà des buccaux, mais se faire des gros, se rouler des palots et des tas de trucs. Moi, ce qui m'a pris un jour, on était tellement habitués à rentrer, j'avais gardé un sac à main, et j'avais un espèce de rouge à lèvres, qui de toute façon ne m'allait pas tellement, et elle a arraché le sac à main, attrapé le rouge à lèvres, et elle faisait semblant de se voir sur le miroir, elle en avait partout. Ils passent leur temps à regarder, comme ils regarderaient dans la nature. Voilà, Éric Baratet, Nénette, dont on a appris d'ailleurs que sa cage allait s'agrandir, hein, parce qu'on souhaite qu'elle ait un espace plus confortable pour elle. Heureusement pour elle. Comme dans son milieu naturel, hein, où évidemment on peut aller grimper sur les arbres. Alors, ça peut faire sourire évidemment d'entendre cet extrait, hein, cette imprégnation de l'animal par rapport au comportement humain. Oui, et ça marche dans les deux sens. Hein, ouais. Comme je le disais tout à l'heure, le maître d'un chien regarde son chien, le chien regarde son maître. Ma chienne actuellement, on est ensemble depuis 8 ans dans ma famille, et elle a appris à faire des choses, à regarder. Lorsqu'elle veut que je lui mette sa panière dehors, elle me regarde la panière et elle regarde dehors. J'ai très bien compris maintenant ce que ça veut dire. Hein, donc elle s'est outillée du langage visuel, alors que le langage visuel n'est pas forcément très important chez les chiens. Alors, est-ce qu'il faut faire une différence justement entre l'animal domestique et l'animal sauvage? Parce que des études très récentes, on en a parlé ici à ce micro la semaine dernière, montrent que par exemple les chimpanzés ont moins de culture propre lorsque les humains viennent de façon invasive justement dans leur domaine. Et oui, bien sûr, parce que il y a un phénomène d'acculturation. Mmh. C'est exactement donc comme il y a une perte, les... hein, une vraie perte de culture. Il y a une perte de culture chimpanzière, si on peut dire, mais il va y avoir un gain de culture d'anthropisation. Mmh. Hein, c'est-à-dire que rien n'est, les choses sont très complexes en fait, et donc c'est vraiment un phénomène d'acculturation. Ce qu'on perd d'un côté, on le récupère de l'autre. Ma chienne n'est pas un chien sans pur, elle n'a rien à voir avec un chien errant par exemple, n'ont pas du tout les mêmes comportements. Donc ce sont des cultures différentes. Je suis en train d'écrire un livre sur les chats pour justement montrer que selon les environnements, selon les contextes, on a des manières d'être différentes. Et des cultures donc différentes. Alors ça, ce sera abordé pendant l'atelier, hein, justement, la question des chats, parce que ça a fait l'objet justement de travaux hyper intéressants sur des chats errants par rapport à des chats domestiques qui ont été abandonnés, c'est ça? Oui, parce que, alors les chats, c'est l'exemple typique où on peut croiser deux approches très différentes. Il y a l'approche des éthologues, des écologues. Mmh. Il y aura notamment Marie-Amélie Forain, qui est une écologue qui a beaucoup étudié les chats dans les campagnes pour voir les différents types de chats, leurs mouvements, leurs comportements de chasse. Et puis, il y a un couple de sociologues américains qui, à la fin des années 90, début des années 2000, a fait de la sociologie dans un refuge, c'est-à-dire un refuge de chats. Ils ont voulu appliquer les méthodes et les concepts de la sociologie pour étudier ces chats et voir comment C'est un refuge, c'est une maison où les chats sont en liberté. Et donc, comment cette sociabilité des chats s'était mise en place? Et alors là, très intéressant, hein, du point de vue du chat errant ou de l'ancien chat domestique. Exactement. Ils se sont aperçus que le chat vagabond qui avait été recueilli se faisait bien à cette sociabilité féline. Entre chats, ils étaient bien. Ouais. Par contre, le chat qui venait d'une famille, lui, n'avait pas été habitué à cette sociabilité féline. Il était habitué à une société humano-féline. Et donc, beaucoup de difficultés. Inversement, quand ces chats sont adoptés, le chat abandonné venant d'une famille se réacclimate bien. Le chat vagabond a beaucoup, beaucoup de mal. Et souvent, ils sont ramenés dans les refuges. Sébastien nous écrit sur franceinter.fr, vous parliez des émotions de certains animaux, écrit-il notamment des mammifères. Or, ils ne représentent qu'une infime partie du règne animal. Connaît-on, soupçonne-t-on des émotions chez d'autres ordres, oiseaux, poissons, insectes? Ah ben, chez les oiseaux, évidemment. Et on est en train de découvrir plein de choses. Je discutais avec un éthologue spécialiste des bourdons il y a un an et qui travaille sur l'individualité des bourdons. Donc, au départ, les bourdons qu'il étudiait, il les avait marqués pour pouvoir les reconnaître. Ouais. Et il m'a dit, mais maintenant, j'ai plus besoin de ces marques. Je les reconnais au bruit de leur vol, qui sont tous distincts. Alors évidemment, il est évident que ces bourdons, chaque bourdon, émettent des signes encore sûrement encore plus importants de manière à ce que chaque bourdon reconnaît très bien et distingue très bien les autres bourdons. Autrement dit, il y a une individualité des bourdons. Mmh. On est en train juste de le découvrir. Donc une identité de bourdonienne. Bourdonienne, voilà, exactement. Sébastien, Thierry nous dit, j'aimerais savoir s'il est véridique que les animaux sont capables de ressentir les tremblements de terre, les tsunamis, avant que ceux-ci surviennent concrètement, et bien avant que les appareils créés par les hommes aient existé. Oui, on a des témoignages historiques depuis l'Antiquité ou avant des phénomènes de ce genre. On voit les animaux s'agiter, s'enfuir, etc. Parce qu'ils sont évidemment beaucoup plus attentifs aux phénomènes sonores, aux phénomènes tactiles que nous, qui privilégions plutôt la vue. Éric Baratel, le but aussi de ces rencontres, de ces ateliers, c'est de faire changer un petit peu le regard quand même porté sur l'animal. Hein. Oui, faire en sorte que l'on puisse bien penser les animaux comme des espèces très riches, très originales, très plastiques, qui changent beaucoup à la fois dans l'espace et dans le temps, et pour lesquelles on peut parler d'histoire, de politique, d'ethnologie, de sociologie. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, parce que c'est vrai que entre toutes les espèces animales, il y a énormément de choses à découvrir. Oui, et comme l'auditeur le disait, nous ne connaissons qu'une petite quantité d'animaux. Ouais, donc ce sera à partir de demain, 20 et 21 mars, à l'Institut universitaire de France de l'Université Lyon 3. Comment s'appelle votre chienne, Éric Baratet ? Griotte. Eh bien voilà, on la salue. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour elle.